faire foutre la pression. Choisis pas cette innée à l'ombre de ma destinée. L'amour plus vite mature, mon sang s'en ressent plus dur. Toi tu vois sort tes flops, mais ne m'oublie pas. Où tu pars en plus fort, on est encore là. Je suis partout, un aller simple, on dirait que sont des flaques. Y'a des MC qui marchent, j'ai sinon au bout. Il est temps de dire ce qu'on pense avant de choquer la France. Avec un clip sur M6 avant d'exploser les tours. On a le skate qui va avec le style, le beef avec le jean. Rien à foutre, sois steak, ton gros est libre. Mais respire que du vent, à quoi j'arrive, ça fait mal comme un coup de poing dans la tête. Toujours OP comme Yoni, droit comme l'ONU. T'as pas compris, on est chaud comme au lit. Côtoyer, Hades c'est mon place. Allez-y, aboyez. Le rap j'en ai fait une momie, bim, bim. Baiser où ça fait mal, comme un toucher un arbre. C'est plus moi qui chante, c'est le jean. Encore comme Halloween, en fait les morts, les MC sont touchés. Avec un son fait à l'usine. Je ne choisis pas cette innée à l'ombre de ma destinée. La vie en plus vite mature, mon sang s'en ressent plus dur. Toi tu vois sort tes flops, mais ne m'oublie pas. Tu pars en plus fort, on est encore là. C'est pour mes potes et pour la cote et qu'on dégosse. Ils travaillent leur biscotto, leur moto qu'ils désossent. On fuck leur brigade, c'est port qui nous dit car. Nous contrôle au ticard, on vend chicken chica. Moi, j'avance en silence, avec un flow fascinant. Lyrics boucherie, j'ai poncé les dents de ma sine. C'est pour mon pote Mustapha Rehmo, mort d'un accident, tous mes cassos. Je collectionne les bastos, je suis toujours à Vita. Et le bédo par petit cargo, on refourgue dans les fours. Et le découpe en Mikado, c'est Elda. Lyrics Arbacane, moi c'est Samakai. J'en fous ta pagaille, le bitch le haga. Un gros doigt pour ces bâtards de la bac. Moi je vous présente les braqueurs de bar tabac et de tapeur d'appart. Au quart de tour ça part, un mec ça cage. Je finis à regarder Mirador par la fenêtre de sa cage. Je ne choisis pas cette innée à l'ombre de ma destinée. La vie rend plus vite mature, mon sang s'en ressent plus dur. Moi tu vois sort tes flops, mais ne m'oublie pas. Où tu pars en plus fort, on est encore là. Ouais, je te dis quoi, nous on ne raconte plus d'histoire. Fiston, tu veux nous test, on plonge ta tête dans l'urinoir. On est des prestataires, prêts à faire la guerre. On te baisse ta mère, baisse la tête, car si tu testes ta tête, tu restes à terre. Salope, si tu peux te prendre 4 bits dans le corps. Et que ma clinique en forme arrive en force. John Doe assassine encore quand la zig transporte et que la ville s'endort. U2F plus Hades, ça tue sa mère. MC, faut que tu me caresses, si tu vas tomber d'une falaise. Les vampires de Jules Vallès me connaissent. Gros c'est John H, le visage masqué comme Ghostface. Et frite le H que je te lâche des rimes de barge. Fiston, tu vas te faire fister comme Delphine de l'âge. Et je me fous que les gonzesses rougissent. Une canette d'oasis, de la vodka, je donne une digue violente comme celle des Guns N' Roses. Je ne choisis pas cette innée à l'ombre de ma destinée. La vie rend plus vite mature, mon sang s'en ressent plus dur. Toi tu vois sort tes flops, mais ne m'oublie pas. Tu pars en plus fort, on est encore là. Si tu te crois inébranlable, bâtard, je te donne majeur aide et que tu tombes, je ris comme devant un ancien Tom et Jerry. Hip hop de rue inflammable sans limite de frontières. Le but est de m'enchérir pour distribuer, mais j'y suis pas encore et je me vois mal dire à demain, chérie. Ce soir, on veille au Bataclan et contribuer. Je place mes proches dans ma charrue avant de penser au B.O.B. Mais jurer dès qu'on peut, on pique contre un billet. Sale, un logement pire, nos darons se sont fait avant. Ça fait pas que comme la contribue et les pourcas, ils restent impayés. Pour les quinfrés, les pips d'extrême-orient, on désoriente à l'extrême. Je ne choisis pas cette innée à l'ombre de ma destinée. La vie rend plus vite mature, mon sang s'en ressent plus dur. Toi tu vois sort tes flops, mais ne m'oublie pas. Où tu pars en plus fort, on est encore là.